1685, Louis XIV a réussi son pari fou, construire le plus fabuleux palais au monde. Mais le bonheur est de courte durée, car un inavouable secret où se mêlent amour, argent et pouvoir va jeter tout Versailles dans un mortel tourbillon d'intrigues et de trahisons. Le dernier secret de Versailles, le nouveau best-seller de Jean-Michel Rioux, un roman Flammarion. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le 30 novembre 1900, il y aura 114 ans dimanche, mourait à Paris dans une simple chambre d'hôtel le célèbre Oscar Wilde. C'est devenu une tradition. Franck Ferrand, chaque année, rend hommage au grand écrivain britannique. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir cette année associer à notre hommage le professeur Daniel Salvatore Schiffer, qui est auteur d'un très beau livre édité chez La Martinière et intitulé Oscar Wilde, splendeur et misère d'un dandy. Tout est dans ce dernier mot et nous reviendrons avec lui évidemment sur ce phénomène du dandysme. Avant de lui donner la parole, je vais vous raconter le dernier, l'ultime séjour d'Oscar dans la capitale française. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laurent sur l'origine des applaudissements. Bonne question, ça, applaudir, ça fait partie de ces habitudes, vous savez, qui nous paraissent tout à fait naturelles, alors qu'en vérité, elles sont avant tout culturel. Des applaudissements, on peut dire que à la grande époque du succès de ses pièces, Wilde en aura recueilli toute sa part. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Quelques semaines, les Wildiens du monde entier, ils sont proprement innombrables, ont célébré le 160e anniversaire de la naissance de leur grand homme, puisqu'Oscar Wilde a vu le jour en Irlande, à Dublin évidemment, le 16 octobre 1854. Je dis évidemment parce que je vous prie de croire que sur place à Dublin, personne ne l'a oublié. Et je vous le disais, c'est donc à Paris, bien sûr, qu'est mort l'auteur de ces œuvres très différentes que peuvent être L'importance d'être constant, on est là dans le théâtre léger, Salomé, un drame beaucoup plus sombre et profond, ou Le portrait de Dorian Gray, son unique roman, dont le moins qu'on puisse dire qu'il est l'œuvre la plus célèbre d'Oscar Wilde. Du reste, il avait séjourné à plusieurs reprises dans la capitale française, ce qui à l'époque d'ailleurs n'allait pas forcément de soi, il faut se remettre toujours dans le contexte. À la fin du 19e siècle, Londres se trouve à plus de 14 heures de Paris. Il faut prendre le train, le bateau, de nouveau le train. On prend généralement, quand on est londonien, on prend le train à Victoria Station pour se rendre à New Haven. Et puis là, on attend le bateau. Généralement, tout ça est quand même assez bien organisé. On monte à bord du navire qui vous fait une traversée plus ou moins facile jusqu'à Dieppe. Et puis à Dieppe, il y a un autre train qui vous attend pour vous conduire jusqu'à la gare Saint-Lazare. En 1897, Oscar Wilde est libéré. Alors, je pense qu'une immense majorité de nos auditeurs savent de quoi je parle, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, vous savez que Oscar Wilde a été condamné à faire de la prison, même des travaux forcés à l'époque, pour conduite indécente. Il faut savoir qu'on est à une époque où l'homosexualité était criminalisée en Grande-Bretagne. Cela dit, elle l'a été jusque très tard dans le XXe siècle, de l'autre côté de la Manche. Et Oscar Wilde, dans des circonstances sur lesquelles nous aurons peut-être l'occasion de revenir tout à l'heure avec mon invité, que j'ai eu souvent, moi ici, l'occasion de vous rappeler, a donc été condamné. Il a fait un temps de prison extrêmement dur, même très violent, comme le raconte Daniel Salvatore Schiffer. C'est terrible d'ailleurs la façon dont Wilde a été brisé, on peut le dire, physiquement mais aussi et surtout moralement. Donc, à sa libération, il s'exile en France. Il estime qu'il est impossible pour lui de rester en Angleterre, où il est proscrit. Il a été déclaré failli, bien entendu. Tous ses biens ont été confisqués. Une partie ont même déjà été revendues. Sauf que sa femme, Constance, avait dû partir avec ses deux enfants. On peut dire que l'Angleterre n'était plus sa patrie, il ne savait plus où aller. Alors il va traverser la Manche pour aller en France, d'abord parce qu'il a cette passion, cet amour de la France incontestablement, et de la culture française, il va le prouver, il l'avait déjà démontré du reste. Et puis aussi parce que en France, l'homosexualité n'est pas criminalisée, grande différence avec l'Angleterre de l'époque. Il change de nom, Il devient Sébastien Melmoth. Alors pourquoi cette espèce de pseudonyme? Sébastien, ça se comprend sans peine. Il a toujours été fasciné par ce personnage de Saint Sébastien. Quant au patronyme, eh bien c'est un hommage à son grand-oncle et à son roman Melmoth, l'homme errant. Et Pascal Acquia nous dit, il était venu nous le dire l'année dernière, qu'il lui semblait évident ce nom. Il lui convenait particulièrement, nous dit-il, il voulait de toute manière un pseudonyme pour pouvoir passer inaperçu. Et c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est cette espèce de renversement. Alors bien sûr, il y a eu l'épisode de la prison entre les deux, mais ce renversement incroyable qui fait que l'homme le plus en vue de son temps, l'homme le plus célèbre, le plus reconnu d'Europe, qui était une espèce de gloire, j'allais dire mondiale, en tout cas internationale, du jour au lendemain veut se fondre dans la muraille, veut passer partout. Et le plus étonnant, c'est qu'il va y parvenir, et peut-être même au-delà de ses espoirs. Alors, il ne vient pas tout de suite à Paris, Melmoth, si on doit l'appeler ainsi. Il s'installe d'abord en Normandie, à Dieppe, justement, et dans les environs. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'Anglais dans cette région, vous savez. Les Anglais sont partis officiellement au milieu du XVIe siècle, mais dans la pratique, ils sont toujours restés dans cette partie de la Normandie, juste de l'autre côté de leur Channel. Et au moins autant que l'Angleterre, ce sont les Anglais qui posent problème à Wilde. Ils n'ont jamais tellement aimé les Anglais, d'ailleurs, cette espèce d'Irlandais excentrique et qui leur a toujours plus ou moins dit leur vérité en leur présentant des paradoxes comme on tendrait des miroirs à la face de monstres. C'est un peu comme ça que voyaient les choses Wilde. Eh bien, ces Anglais ne l'apprécie pas. Il le considère vraiment toujours comme un proscrit. Alors de Dieppe, le voilà qui déménage à Berneval-le-Grand. Il s'imagine une nouvelle existence. Il voudrait vivre en accord avec la nature. On a l'impression que toute l'immense chape, le gigantesque manteau d'ego de cet homme a été laissé au vestiaire et qu'il n'est plus que l'être, que l'homme qui veut s'inscrire en contact immédiat avec la vie, avec le monde. Il se met à réécrire, des écrits d'ailleurs assez lyrique, dont la célèbre ballade de la geôle de Reading, très long poème publié pour la première fois en 98 sous un autre nom. L'éditeur, c'est Leonard Smithers. On en parlera tout à l'heure, ça c'est très intéressant. On se disait que Wilde, ayant passé en prison des épreuves, ayant surmonté des épreuves terribles, ne serait plus capable d'écrire. Eh bien, pas du tout. Il montre qu'il est encore capable non seulement d'écrire, mais de jouer avec des formes archaïques. Cette forme, nous dit Pascal Acquin, met en scène un héros qui connaît des aventures en général plutôt favorables, mais là, ce n'est pas le cas. Il y a une forme qui est assez codifiée et qui permet de contenir la brutalité de l'émotion. C'est en vérité l'œuvre d'un homme totalement à vif. Plus d'uniforme d'écarlate, car rouges sont le sang, le vin, quand on le prit près de la morte, du sang et du vin sur les mains. La pauvre morte qu'il aimait et dont il devint l'assassin, il marchait, habit gris râpé, parmi les hommes en procès, une casquette sur la tête. La traduction que je vous donne est celle de Jean Guillouaneau. Elle date d'il y a quelques années. Là, c'est toujours très très difficile de traduire un texte à ce degré de création poétique. Je poursuis un peu plus loin. Mais dans ses yeux ouverts au jour, jamais ne vit tant de regrets. Tant de regrets jamais ne vit dans les yeux d'un homme levé vers la petite tente bleue qu'est le ciel pour les prisonniers, vers chaque nuage qui passe, toute voile d'argent gonflée. Parmi d'autres âmes en peine, dans l'autre cercle je marchais et en me demandant si cet homme avait commis un grand forfait. Quand une voix a dit tout bas, ce gars-là va se balancer. Mon Dieu, les murs de la prison soudain se mirent à tourner, le ciel au-dessus de ma tête brûla comme un casque d'acier, et bien qu'étant une âme en peine, ma peine cessait d'éprouver, et je savais quelle hantise animait son pas et levait son regard vers le jour brutal, tout habité par le regret. Il avait tué son amour, aussi, pour cela, il mourait. Thank you. Debbie Wiseman sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Oscar Wilde sorti en 1997. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au dernier séjour d'Oscar Wilde à Paris. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Oscar Wilde et à son amour pour Paris. Alors Dieppe, Berneval, Rouen maintenant, où Wilde essaie de vivre, mais tout ça ne lui convient pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a cru qu'il allait vivre en accord immédiat avec la nature, etc. Mais vous ne pouvez pas empêcher un papillon très longtemps de s'approcher de la lampe. Et c'est Paris qu'il préfère, c'est évident. En Normandie, faut imaginer qu'on est donc quelques années avant 1900. On est encore un peu dans la Normandie, à peu de choses près dans la Normandie des nouvelles de Maupassant, vous savez, avec ses petits bourgs, ses petites villes, tout ça un petit peu humide, un petit peu suintant, si je puis dire, avec toute la tendresse que j'ai pour la Normandie et les Normands, vous le savez. Alors, il est attiré par Paris, et disons-le, il est attiré aussi parce que Paris peut offrir comme facilité en matière de relations amoureuses. Il sait qu'il y a beaucoup de garçons à Paris, tout simplement, et c'est beaucoup plus difficile de faire des rencontres, évidemment, dans les villes de Normandie. Il essayait de ne pas trop regarder ce qui lui semblait un peu dangereux pour lui, les beaux jeunes gens, nous dit Pascal Aquin. Mais c'est plus fort que lui. D'ailleurs, on sait qu'il a eu quelques liaisons très très très fugaces avant de regagner Paris, où il finit par arriver. Paris le déçoit de nouveau et, à la limite, l'accueil assez dur de Londres à sa libération va se reproduire en mode mineur à Paris, ce qui fait que très vite le voilà parti, il voyage, il part pour l'Italie. À la fin de 1897, vous voyez qu'il ne traîne pas, il est déjà à Naples, on le verra à Rome, en Sicile évidemment, et puis, et ça paraît complètement fou lorsqu'on connaît toute l'histoire, il va renouer avec ce jeune lord, avec Alfred Douglas, dont la rencontre et dont la personnalité l'avait littéralement conduit au précipice. Il suffit de lire, et nous en parlerons tout à l'heure bien entendu, de cet ouvrage majeur qui s'appelle De Profundis, pour se rendre compte de la somme incroyable de rancœur qu'avait pu accumuler Wilde à l'égard de ce jeune homme totalement futile et qui l'avait mal guidé d'une certaine manière. Eh bien, il le retrouve, l'amour est plus fort. Alors qui est Douglas? C'est un jeune narcissique, assez opportuniste, qui ne s'intéresse qu'à lui-même, il faut le dire. Plus tard, je crois que sincèrement, il découvrira l'ampleur de Wilde, de sa profondeur, il comprendra avec qui il a vécu. Mais à cette époque-là, pas encore, en tout cas, pas tout à fait suffisamment. Il ne faut pas oublier que si Wilde a déchu, c'était parce que, justement, il avait lancé un procès à la demande du jeune Alfred Douglas. Alors, vous imaginez, lorsqu'on apprend qu'Oscar Wilde a renoué avec Lord Alfred, tout le monde est consterné dans son entourage, chez ses amis, et alors que dire de sa propre femme, son épouse Constante, qui est déçue. Elle avait accordé une pension à son mari à condition qu'il ne revoie pas Alfred Douglas. Et le but, c'était de le protéger, c'était pas de créer des conditions égotiques, c'était vraiment de le protéger lui. Constance est une personne remarquable, nous dit le biographe dont je parle depuis le début, que Pascal Aquin. Il ne s'agit pas de jalousie de sa part, il s'agit au contraire d'essayer de le préserver de ce qu'il considérait comme le mal incarné. Elle a toujours été d'une grande intelligence. Elle n'a pas demandé le divorce pour le protéger, parce que s'il y avait eu divorce, il aurait fallu faire une nouvelle enquête. Elle a voulu lui épargner cela. Elle a toujours pensé qu'il était un grand écrivain, et même au-delà, je pense que tout simplement, elle l'a aimé. Elle décide à ce moment-là, mais on pourrait presque dire qu'elle n'a plus le choix, de lui couper sa pension. Avant, ce qui, et c'est d'autant plus paradoxal, et c'est toute l'ironie de cette sombre histoire, c'est que néanmoins, Wilde va finir par rompre définitivement avec cet insensé de Douglas. Alors le voilà de retour à Paris, il aime la France, je vous l'ai dit, et d'ailleurs quelques années plus tôt, il avait déjà voulu s'y établir. Daniel Salvatore Schiffer nous dit que Paris est sa ville de prédilection, une ville dont il maîtrise non seulement la langue et la culture, mais aussi les mœurs, les habitudes. Il est presque aussi parisien dans le sang qu'il avait pu paraître londonien quelques années plus tôt. Donc, il s'installe à l'hôtel à son retour d'Italie, à l'hôtel d'Alsace, 13 rue des Beaux-Arts, dans le quartier de... on est tout près de la Seine, à côté des Beaux-Arts, de l'école nationale des Beaux-Arts. C'est un hôtel qui aujourd'hui est devenu un hôtel de luxe, qui a beaucoup changé, et qui s'appelle l'Hôtel. À l'époque, c'est un endroit tout à fait quelconque, c'est une petite pension. Et c'est là que Wilde va mourir. Alors quels sont ses moyens? Ben, ils sont très faibles, il a vraiment très peu de moyens. Il vit avec trois fois rien. Il a eu beaucoup d'argent, il a fait beaucoup de dettes. Ses créanciers se sont mobilisés en même temps pour réclamer les dettes. Et je vous l'ai dit, une grande partie de ses biens ont été vendus. Il y en a aussi une grande partie qui ont été pillés. Certains de ses amis ont eu l'élégance de racheter un certain nombre de ses biens lors des ventes aux enchères pour pouvoir les lui restituer. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Oscar Wilde, de ce point de vue, n'est pas un cas unique. Pour le reste, eh bien, sa femme, son éditeur, je vous l'ai dit, lui ont prêté, lui ont avancé de l'argent. Mais là, c'est fini et Wilde se retrouve dans une situation qui est celle d'un indigent, disons-le. C'est complètement incroyable lorsqu'on sait sur quel pied il vivait il y a quelques années seulement. Il faut vous dire que lorsqu'il avait découvert Paris, quand je dis découvert, il y était venu déjà avec sa mère, puis il y était revenu en tant qu'étudiant, mais comme écrivain, libre de ses mouvements, célibataire, il avait fait, au retour de sa tournée de conférences aux États-Unis, une première grande découverte de Paris en 1883. Il s'était installé à l'Hôtel Continental, s'il vous plaît, qui était le grand palace de la capitale à l'époque, avant de s'en aller loger à l'hôtel du quai Voltaire, dans la chambre numéro 14. Alors l'hôtel du quai Voltaire est plus modeste, mais c'est là que 27 ans auparavant avait vécu Charles Baudelaire. La chambre existe toujours en premier étage, très claire, avec de grandes fenêtres, une vue sur la Seine et le Louvre, des moulures, etc. Et c'est là qu'il avait effectué, en tant qu'écrivain, son premier séjour parisien. Il avait écrit une pièce de théâtre, il avait envoyé toutes sortes de courriers aux sommités françaises de l'époque, et il avait rencontré les plus grands. Victor Hugo, à l'époque très âgé, hein, 83, il est vraiment tout au bord du tombeau, Victor Hugo, mais aussi Paul Verlaine, qu'il admire mais qu'il trouve, je cite, « vraiment trop affreux ». Edgar Degas, qui n'est pas très beau non plus, vous me direz, et Camille Pissarro, etc. Il a rencontré Madame Sarah, la grande Sarah Bernard, bien entendu, et il va d'ailleurs lui consacrer peut-être son œuvre la plus troublante. Et puis il a rencontré André Gide, bien entendu. Dans son ouvrage, Daniel Salvatore Schiffer nous dit « Ce séjour à Paris, ville d'art tout autant que de plaisir, lieu de culture tout autant que de débauche, représenta une étape déterminante dans le parcours essentiel de Wilde. Il lui offrit un prétexte définitif et le plus noble qui fut, puisqu'il émanait de quelques-uns des esprits les plus éminents de son temps, pour laisser enfin libre cours à ce qui n'avait encore été qu'une pulsion plutôt timide sinon refoulée, l'homosexualité. Vous comprenez pourquoi, en quelque sorte, après tout ce qui lui est arrivé, c'est bien à Paris que revient Wilde. Il fréquente à l'époque aussi l'hôtel des Deux Mondes à Paris, au 22 avenue de l'Opéra, parce que c'est là que logeait Lord Douglas, justement. Lord Douglas lui a écrit, en arrivant lors de ce séjour, « Mon Oscar chéri, je viens d'arriver à l'instant ici, il me semble trop épouvantable de m'y trouver sans toi, mais je souhaite ardemment que tu m'y rejoignes dès la semaine prochaine. Je suis ton boy amoureux et dévoué, et c'est signé Bozzy, qui est le surnom de Lord Douglas. » Il va revenir, Oscar va revenir après son mariage avec Constance. La lune de miel a eu lieu à l'hôtel Wagram, on a parfois tendance à le dire, dans une suite avec vue sur les Tuileries. On est là en juin 94. Il reviendra encore en 1891, cette fois 29 boulevard des Capucines, où il s'installe carrément un bureau dans lequel il va écrire Salomé. Ainsi donc, on peut dire, et nous l'avons peut-être un peu trop oublié, nous aujourd'hui, même si nombreux sont les Parisiens à aller fréquemment se recueillir sur la tombe d'Oscar Wilde au Père Lachaise, nous avons un peu oublié à quel point cet écrivain a aussi été un écrivain de Paris. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'ultime séjour d'Oscar Wilde à Paris. Oscar Wilde n'est plus que l'ombre de lui-même. On l'appelle donc Sébastien Melmoth. Les gens l'appellent Monsieur Melmoth. D'ailleurs, dans les restaurants, etc., le peu où il peut encore aller, parce que bien souvent, il faut qu'il soit invité par des amis, tout simplement. Il n'a même plus de quoi régler les additions. On le voit beaucoup dans les tavernes, dans des lieux un peu glauques, il faut le dire. Ce qu'on a peut-être oublié, et je crois que ça fait partie des choses qu'il faut dire et rappeler, c'est que cet homme, qui était la gentillesse même, qui avait pu, à de nombreuses reprises dans son existence, témoigner de sa grande bonté, était devenu quand même amer, pour ne pas dire acide. Le pauvre Ross, Robert Ross, qui a été son ami fidèle, qui l'a toujours accompagné, etc., faisait les frais de sa mauvaise humeur. Et Ross nous dit qu'on n'a pas idée de ce qu'il pouvait être blessant en parole et par écrit. Et c'est vrai qu'il avait tendance, lorsqu'il avait bu notamment, il buvait beaucoup pour oublier tout ça, il avait tendance à être vraiment très dur, Oscar Wilde, sur la fin de sa vie. C'est évidemment que c'est un aspect qu'on a un petit peu oublié ou voulu oublier. Ce qu'il doit y avoir de terrible pour un homme comme celui-ci, c'est que lui qui naguère encore était si célèbre, désormais on l'ignore ou on affecte de l'ignorer. C'est vrai qu'il a en même temps beaucoup changé. Certains de ses amis qu'il croise font tout simplement comme s'ils ne le reconnaissaient pas. On raconte notamment cette anecdote avec Oscar Wilde, les voilà qui marchent côte à côte, enfin presque côte à côte sur un boulevard de Paris. Gide est très embarrassé, il s'assoit à la même terrasse, seulement Gide va tourner le dos à Wilde. Il ne veut surtout pas qu'on puisse dire qu'il ait été vu avec lui, vous voyez. Et alors, je vous parle là de Gide qui est resté un peu sur son quant à soi, disons. Mais certains ont carrément été dans la critique. Un homme comme Émile Zola avait certes pris parti pour Wilde, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de citer à ce même micro les propos plus que dur et même assez insoutenable d'un Jules Renard, par exemple, et puis beaucoup de journalistes, etc. J'ai parlé de Zola, on est en pleine affaire Dreyfus. Et évidemment, comme tout le monde, Oscar Wilde lit les journaux, il se passionne pour cette affaire. Il n'a rien écrit sur la question, mais il va rencontrer Esterhazy. Ça, c'est assez extraordinaire. Esterhazy explique, enfin, arrive à convaincre Wilde, enfin, le convaincre, j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas, il lui explique qu'il n'est pas coupable, et on sait que Wilde a été très intéressé par ça ferait une pièce de théâtre extraordinaire, cette rencontre totalement inattendue dans un fond de café entre Esterhazy, héros malgré lui de l'affaire Dreyfus. Quand je dis malgré lui, il n'y est pas pour rien en même temps, et Oscar Wilde complètement déchu et qui ne sait plus trop à quel saint se vouer. Quand j'emploie cette expression, c'est à dessein, parce que c'est à ce moment qu'il va se convertir au catholicisme. C'était déjà au moment de son voyage à Rome, c'est là qu'il a, d'ailleurs, ce voyage à Rome avait pour but d'entériner les choses. Il est passé sous le balcon du pape, il a même obtenu une audience, pour être tout à fait exact, il a participé à une audience publique, c'est comme ça que ça s'est passé au départ. Mais il y a chez Wilde une envie, en quelque sorte, sans doute, de se rapprocher des origines irlandaises, de sa famille et de sa culture. Le catholicisme, à la fin du 19e siècle, il faut le dire, avait en même temps la faveur des esthètes. Le décorum de l'Église catholique pouvait rappeler celui de l'ancienne Byzance, et vous savez, le goût de Wilde pour l'art byzantin, pour le néo-gothique, pour toute cette esthétique catholique qu'il n'avait évidemment jamais pu trouver dans le décorum infiniment plus restreint de l'Église anglicane. Pour lui, le protestantisme était vraiment très très très austère. Alors, ce qui est important, et j'avais déjà eu l'occasion de le dire l'année dernière, il faut bien comprendre qu'au moment où meurt Wilde, il est plein de projets. On a l'impression comme ça, lorsque j'en parle peut-être un peu vite, que c'est un homme fini, qu'il n'attend plus que la mort, etc. Pas du tout. Pas du tout. En vérité, c'est un homme qui forme énormément de projets, qu'il pense qu'il a encore la vie devant lui et qui est bien décidé à donner le meilleur de lui-même dans une littérature qui aurait été grandie par toutes les épreuves qu'il a traversées. Mais il n'en aura pas le temps, vous savez, puisqu'il va être emporté probablement par une méningite, en tout cas une infection très grave, peut-être une tumeur. Certains ont dit qu'il avait, quand il était jeune, contracté la syphilis. L'hypothèse aujourd'hui n'est plus soutenue par personne. Toujours est-il que Wilde, après une agonie assez dure et même un peu sordide, va finir par mourir. Il sera enterré à Bagneux, un enterrement de sixième classe, c'est-à-dire le plus simple qui soit possible d'imaginer pour cet homme qui ensuite tout de même, enfin dont les restes en tout cas, seront transférés au Père Lachaise. Bonjour Daniel Salvatore Schiffer, merci d'être avec nous. Alors, j'ai parlé des derniers moments de Wilde. Avec vous, ce que j'aimerais, c'est parler de tous les moments et surtout du dandy. Car je crois que s'il y a une figure à retenir de ce personnage, c'est bien celle-ci. Et vous êtes le mieux placé pour nous en parler. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'est Oscar Wilde qui est au cœur de l'histoire cet après-midi, comme chaque année à la même période. Et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Daniel Salvatore Schiffer, philosophe et essayiste. Vous enseignez la philosophie de l'art à l'École supérieure de l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège et êtes auteur d'Oscar Wilde, Splendeur et misère d'un dandy aux éditions de La Martinière. Alors justement, c'est intéressant ce regard juste un peu décalé que vous pouvez avoir sur le Wilde finissant, je puis dire, sur le Wilde parisien. Il avait été, ne l'oublions pas, dans les années 1980, presque le roi de Paris, le prince de Paris, comme il était le roi de Londres, Daniel Salvatore Schiffer. Absolument, quand il arrive à Paris, il est applaudi, il est adoré, adulé, y compris par les plus grands écrivains. Marcel Proust, par exemple, adore Oscar Wilde. Oscar Wilde rencontre Marcel Proust chez lui, boulevard Haussmann. D'ailleurs, Wilde est rebuté par l'aspect bourgeois de la famille Proust. Il s'enfuit lorsqu'il voit... Tout le contraire de ce qu'il aime. C'est là, de ce qu'il aime, oui. Il rencontre Stéphane Mallarmé. Mallarmé, pour Mallarmé, Le Portrait de Dorian Gray était un des grands romans de cette fin de siècle. Il rencontre Paul Verlaine au café Le Sorbonnard. Ça se passe pas très bien, d'ailleurs. Ça se passe pas très bien. Verlaine boit son éternel absinthe. Wilde lui boit du champagne. Mais je veux dire... Il rencontre le monde entier, à Paris notamment, les grands écrivains. C'est chez Mallarmé, au mardi de Mallarmé, que Oscar Wilde rencontre, par exemple, André Gide. Et c'est Pierre Louis qui était un des amis de Mallarmé, qui introduit Wilde chez Mallarmé avec André Gide. Ça n'est pas neutre, ça. Et je pense que Pierre Louis serait peut-être, avec toutes les transpositions nécessaires dans tous les domaines, serait peut-être la figure finalement la plus wildienne de cette époque. Mais enfin, ça nous entraînerait... C'est en tout cas l'écrivain que Wilde préférait. Ah, mais voilà. Wilde admirait Pierre Louis et Pierre Louis s'est beaucoup battu pour Wilde. Pierre Louis a notamment participé à la traduction de certaines œuvres de Wilde, notamment La Sphinge, qui est un très très beau et très grand poème. Donc, Wilde est adoré à Paris. Gide l'adore. Même si ensuite il lui tourne le dos quand il revient. Bien sûr, et lorsque Wilde meurt en 1900, en 1902, deux ans après, André Gide lui consacre un des plus beaux hommages qui soit. C'est un hommage posthume, ça s'appelle Oscar Wilde, qui est parmi les plus beaux textes et les plus émouvants qu'on ait écrit sur Wilde. Et puis, Gide écrit aussi dans Si le grain ne meurt, ses impressions de voyage, tout son voyage en Algérie, à Biskra, avec Oscar Wilde. Et donc, Oscar Wilde est véritablement aimé. Il rencontre, vous l'avez rappelé, des peintres, les plus grands peintres impressionnistes. Il rencontre Degas, Pissarro, Édouard Manet, et il les rencontre chez un peintre d'origine italienne qui s'appelle Giuseppe De Nittis, qui habite à Montmartre. Et c'est dans cet atelier de Giuseppe De Nittis où Wilde va souvent, donc il rencontre notamment les peintres impressionnistes, mais aussi Edmond de Goncourt, par exemple, qui écrira La Faustine. Goncourt détestait Wilde, par parenthèse. Et l'atelier de peinture de Basil Hallward qui va servir de décor pour planter le décor de l'atelier du Portrait de Dorian Gray de Basil Hallward. Donc à quel point c'est important. Et puis, peut-être que l'écrivain qui a eu le plus d'importance pour Wilde, ils ne se sont jamais rencontrés. Mais Wilde l'a beaucoup lu, c'est Huysmans. Huysmans que Wilde découvre à Paris lors de son voyage de noces. Vous l'avez rappelé, il est à l'hôtel Wagram, à l'époque c'est rue de Rivoli, en face des Tuileries. Il est avec sa femme, Constance Lloyd. Il lit principalement trois livres. Les Fleurs du Mal de Baudelaire, bien sûr, c'est un de ses livres de chevet. La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, Normand. C'est ce qui s'appelle avoir bon goût. C'est ce qui s'appelle avoir bon goût. Et puis Les Diaboliques de Jules Barbet de Reville. Mais au moment où l'autre dandy dont on parlera tout à l'heure. Bien sûr, qui a écrit sur Brummel. Le premier grand livre sur le dandysme, c'est Jules Barbet de Reville, à Caen, qui écrit, là d'ailleurs où Brummel arrive, à Caen, lorsqu'il est lui-même en exil, qui écrit du dandysme et de Georges Brummel. Eh bien, Wilde découvre, lors de son voyage de noces, il est dans sa chambre, renfermé, et il découvre à rebours de Huysmans. Huysmans, c'est le grand auteur décadentiste, comme on dit, et à rebours, c'est un peu le manifeste de ce mouvement. Absolument. Alors, il y a à l'époque, deux courants littéraires qui s'opposent. Il y a le symbolisme, dont Baudelaire puis Huysmans sont les chefs de file. Et puis, il y a le réalisme ou le naturalisme à la Émile Zola. Et Huysmans combat Zola, comme Wilde combat le naturalisme. Il est symboliste dans l'âme. Ce n'est pas pour rien qu'il aime Baudelaire. Et donc, il lit Huysmans à rebours. C'est l'histoire d'un aristocrate des Essintes qui, dégoûté par le monde, par l'extérieur, incompris, solitaire, se renferme chez lui et construit son propre univers. Ses fleurs, ses tabacs, sa musique, la décoration, les tableaux. Il adore notamment Gustave Moreau, Salomé de Gustave Moreau. On va y revenir. Et donc Wilde découvre À rebours de Wismans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, À rebours de Wismans paraît dans une collection, on dirait aujourd'hui une maison d'édition extrêmement particulière. C'est une maison d'édition qui ne publie que des livres à couverture jaune. C'est-à-dire, à l'époque, le jaune, comme le rose aujourd'hui peut-être, ou le rouge, est la couleur des livres sulfureux, un peu érotiques. Et donc, Wismans publie À rebours dans la collection Charpentier, dont la couverture est jaune, et dans le portrait de Dorian Gray. Lord Henry, le mentor de Dorian Gray, offre au jeune Dorian Gray un petit livre à couverture jaune. C'est en fait À rebours de Wismans dans la tête de Wilde. Et Dorian Gray répond à Lord Henry, ce petit livre à couverture jaune qui était un cadeau empoisonné. Et donc, empoisonné pourquoi ? Parce que c'est ce qui va l'initier au décadentisme. C'est ce qui va justifier intellectuellement, esthétiquement et d'un point de vue littéraire son homosexualité. Parce qu'à l'époque, tous les écrivains que Wilde côtoie flirtent avec le monde de l'homosexualité. Il y a Jean Lorrain. Bien par sûr, exemple, oui. Catulle Mendès, Proust et beaucoup d'autres. Et donc, Wilde, absolument influencé par À rebours de Wismans, au point que, dans le portrait de Dorian Gray, il fait dire à Dorian Gray que Des Esseintes, le héros de Wismans, était la préfiguration littéraire de ce que Dorian Gray allait vraiment vivre, et puis, quelques années après, Oscar Wilde lui-même. Donc ce premier grand séjour, parce qu'encore une fois il y en a eu trois autres avant, mais ce premier grand séjour de Wilde à Paris, c'est en quelque sorte l'accouchement de sa philosophie au-delà de son style et de son dandisme. Alors c'était les écrivains qu'on appelait les écrivains décadents. C'est comme ça que les Anglais les appelaient, les French Decadents. Les French Decadents parce qu'il faut pas oublier que Wilde vit, il naît dans une société qui est la société victorienne, puritaine. Protestante. Et donc, ces décadents, ces homosexuels, ces esthètes, c'est tout ce que déteste l'époque victorienne puritaine. C'est pour ça que Wilde se sent bien à Paris. Il est parmi les siens. Et en même temps, à Paris aussi, on les déteste. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Une immense majorité de la bonne société refuse tout cela. C'est le cas de Goncourt, par exemple. Dans son journal, dit des choses absolument atroces, homophobes sur Wilde. Vraiment des choses terribles. Et il ne faut pas oublier que l'égérie de tout ce milieu-là, celle qui est en quelque sorte leur reine, leur idole, Sarah Bernhardt, elle-même prend les plus grandes distances. Absolument. Alors là, c'est très ambigu. En fait, je vous ai parlé du portrait de Dorian Gray par rapport à Wismans, à rebours. Mais dans Wismans, à rebours, il y a un des plus beaux passages de ce chef-d'œuvre qui est la description d'un tableau de Gustave Moreau, qui est d'ailleurs ici à Paris, au musée Gustave Moreau. C'est Salomé, cette femme qui fait une danse sabbatique et qui, pour avoir prodigué ses charmes de façon très érotique au tétrarque Hérode, demande en récompense la tête de Jean-Baptiste. Eh bien, c'est à la lecture de la Salomé telle que Wismans l'a décrit dans À rebours que Wilde a l'idée d'écrire sa grande tragédie Salomé, et il l'écrit directement en français pour Sarah Bernhardt. Pour Sarah Bernhardt, qui est la grande tragédienne. Il avait rencontré Sarah Bernhardt à Londres quelques années avant, où elle jouait le rôle-titre du Phèdre de Racine. Donc il écrit pour elle Salomé, inspiré par le Gustave Moreau, tel que Wismans l'a vu. Mais Sarah Bernhardt ne l'a jamais joué, ne l'a jamais interprété, parce qu'elle ne veut pas se compromettre avec un écrivain aussi sulfureux, aussi honni dans son pays, l'Angleterre, qui est Oscar Wilde. Elle le jouera uniquement en Angleterre et jamais en France, en français, parce qu'elle ne veut pas se compromettre. Wilde, à un moment donné, lorsqu'il est désargenté après son procès, veut vendre ses droits d'auteur de la Salomé à Sarah Bernhardt, pour laquelle il a écrit cette tragédie. C'est la moindre des choses. Elle l'a refusé. Elle était immensément riche. Elle l'a refusé. Elle n'a pas voulu l'acheter. Donc elle a refusé, un, de jouer la Salomé de Wilde, qui était la pièce à laquelle il tenait le plus, parce que tout le monde parle de l'éventail de Lee Bendermeer, d'un mari idéal, de l'importance d'être constant, qui sont ses grandes comédies. Mais peut-être que la pièce à laquelle il tenait le plus était Salomé, qui est sa principale tragédie, que Sarah Bernhardt n'a jamais voulu interpréter et dont elle a refusé d'acheter les droits. je suis vraiment très heureux que grâce à vous, le masque du vaudevilliste, si je puis dire, et du boulevardier tombe et nous laisse apparaître un tout autre masque. Ce n'est plus celui du dandy, celui dont vous nous parlez. C'est bien celui de l'esthète, Daniel Salvatore Schiffer. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Sur Europe 1 avec un nouvel extrait de la bande originale du film Oscar Wilde. Oscar Wilde qui est à l'honneur cet après-midi dans Cœur de l'Histoire et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Daniel Salvatore Schiffer, philosophe et essayiste, auteur d'Oscar Wilde, Splendeur et misère d'un dandy aux éditions de La Martinière. Oui, un très beau livre foisonnant d'éléments et constamment, comment pourrais-je dire, on dirait problématisé dans le monde universitaire, mais en tout cas, vous montrez que Wilde a été un enjeu majeur dans toutes sortes de débats et dans toutes sortes de mouvements de son temps. Ça, c'est passionnant. On est très loin de l'auteur des aphorismes, simplement. Voilà, hein. J'ai essayé de faire autre chose, plus qu'une simple biographie. C'est ça. Avec des éléments objectifs, mais à la limite que tout le monde peut connaître. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est replacer Wilde dans son contexte philosophique, esthétique, social, politique, juridique, théologique. J'essaie de ne omettre aucun des points de vue et toujours en comparaison, comme une lecture comparée avec les écrivains, les philosophes, les esthètes, les musiciens majeurs de son temps. Vous savez, dans ma bouche c'est un hommage, cet ouvrage me fait penser à ces grands livres qui sortaient dans les années 50 et qui malheureusement ne sont plus à la mode, les livres de Baudrillard, de René Huyghe, etc., où on essayait d'épouser l'ensemble d'une époque et des phénomènes de cette époque. Ça, c'est ma formation de philosophe. Eh bien, bravo, ça c'est magnifique. Alors, une de vos compatriotes, Félicité, nous dit, il me semble que Wilde était un ancien nom hollandais de Wilde, est-ce que c'est exact. Est-ce que c'est alors, une chose que peu de gens savent, j'en avais parlé dans ma première biographie que j'ai publiée en 2009 chez Gallimard, Oscar Wilde. Peu de gens savent qu'en fait, les ancêtres de Wilde étaient des mercenaires hollandais. C'était de Wilde, D-E, puis Wilde, W-I-L-D-E. Il y a d'ailleurs un peintre contemporain de Rembrandt, qui est aujourd'hui exposé par exemple au Rijksmuseum Amsterdam, qui s'appelle de Wilde. C'était des mercenaires hollandais. Ils viennent se battre pour le roi d'Angleterre, donc nous sommes au 15e, 16e siècle, ils se battent de façon vaillante et courageuse, et le roi, pour les récompenser, leur donne la nationalité anglaise. Donc ça devient « de Wilde ». « Wilde » devient « Wilde ». Mais comme le « de » n'est pas une particule aristocratique en Angleterre, le « de » disparaît aussi, oui. Et donc ça devient « Wilde ». Les ancêtres de Wilde s'appelaient donc « Wilde » de « Wilde ». Et Wilde est donc le Wilde hollandais anglicisé, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est un paradoxe incroyable de l'histoire, dont Wilde n'est pas responsable, c'est que les petits-fils aujourd'hui d'Oscar Wilde et les fils d'Oscar Wilde s'appellent Holland, comme les ancêtres de Wilde étaient hollandais. Pourquoi ? Parce que quand Constance Wilde, la femme d'Oscar, Wilde est en prison, c'est un grand scandale, ça défraye la chronique dans le monde entier. Il faut savoir, à l'époque, le nom de Wilde devenait importable. Eh bien, Constance est en Suisse, sur le lac de Neuchâtel, avec ses deux enfants. Elle arrive dans un hôtel avec ses valises et lorsque le patron de l'hôtel sait que c'est Constance Wilde, elle la met à la porte. Elle et ses deux enfants, elle se retrouve en plein hiver avec ses valises et ses deux enfants qui ont 8 et 10 ans, ne sachant où aller. Elle est obligée de changer de nom tellement le nom de son mari est encombrant après le procès et la prison. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend comme nom de famille le nom de Holland, qui est le deuxième prénom de son frère à elle. Constance a un frère qui s'appelle Horatio et le Holland est un prénom aristocratique en Angleterre. Ce qui nous ramène quand même à la Hollande. Exactement. On a envie de dire la boucle est bouclée. Exactement. Donc la femme de Constance prend comme patronyme le prénom de son frère Holland. Donc elle devient Constance Holland. Les fils d'Oscar deviennent Viviane et Cyril Holland, et le petit-fils d'Oscar Wilde, qui vit toujours, et que je remercie, j'en profite, puisque c'est grâce à lui que nous avons eu beaucoup de documents inédits, des archives de famille, des archives personnelles, que m'a donné gracieusement et très généreusement Merlin Holland. Eh bien, après Oscar, le nom de Wilde s'éteint, et ça devient Holland, et ça nous ramène aux vrais ancêtres de Wilde, de Wilde. C'est quand même... Vous qui êtes historien, qui vous intéressez à l'histoire, extraordinaire. Ça donne un peu le vertige. La boucle est bouclée pour vous dire à quel point la légende, le mythe de Wilde va puiser ses origines les plus profondes dans les replis de l'histoire. Et j'en profite pour saluer chaleureusement Merlin Holland, s'il nous écoute, qui ne vit pas, contrairement à ce que dit Félicité justement, en Belgique, mais bien en France. En France, hein, absolument. Et qui n'est pas son arrière-petit-fils, mais bien le petit-fils. Parce que les enfants, Oscar les a eus assez tard, et le père de Merlin était Viviane, oui. Et il a eu lui-même son fils très tard. Voilà, c'est ça. Wilde a eu deux enfants, parce que Wilde était marié à Constance Lowe, il a eu deux fils, Cyril et Viviane. Le plus âgé s'appelle Cyril, il est mort lors de la Première Guerre mondiale d'une balle reçue en plein front, sur le front justement, par les Allemands. Et puis Viviane va vivre très longtemps, il va avoir un fils très très très tard, qui s'appelle Merlin, qui vit toujours et qui vit en France. Il fait du bon vin, je pense qu'il habite quelque part en Bourgogne, en tout cas pas loin. Donc le petit-fils d'Oscar Wilde vit toujours et s'appelle Merlin Holland. Voilà. Alors, vous nous dites, Daniel Salvatore Schiffer, ça c'est votre grand domaine, c'est celui sur lequel vous avez tant écrit déjà, qu'Oscar Wilde aura été le plus flamboyant des dandys de son temps. Nous avons évoqué, vous avez cité deux fois le nom de Brummel, vous avez cité encore davantage celui de Barbet d'Orvilly, donc Baudelaire, etc. Qu'est-ce qu'un dandy et en quoi Wilde peut-il être représentatif de ce mouvement du dandysme ? Alors, le dandysme, c'est faire de sa vie une œuvre d'art et faire de sa personne une œuvre d'art vivante. Quand je dis de sa personne, c'est pas seulement dans l'apparence, dans l'extériorité, dans la gestuelle ou dans l'habillement. C'est aussi une noblesse d'âme. C'est le moment où le corps devient le révélateur de l'âme. Le corps... L'extérieur révèle l'intérieur, dites-vous pour Wilde. Oui. Une belle âme pour un beau corps. Au fond, le corps serait le miroir de l'âme. Le miroir de l'âme. C'est ce que dit Wilde. Non seulement le corps au sens le plus physique du terme, mais également le corps au sens tenue vestimentaire, oui, la voix, etc. La voilà, gestuelle, l'élégance, le charme. C'est ce que Wilde dit dans De Profundis. Alors, donc c'est faire de sa vie une œuvre d'art et de sa personne une œuvre d'art vivante. En fait, c'est un pari insensé qui fait que les dandys finissent de façon tragique. C'est vouloir réunir ce que 2000 ans de platonisme et de judéo-christianisme n'ont cessé d'opposer, l'âme et le corps. Platon dit que le corps est un tombeau pour l'âme. Pour les chrétiens, pour le judéo-christianisme, le corps est source... Pour Saint Augustin. Pour Saint Augustin, le corps est source de péché, le corps est source d'erreur, le corps est périssable. Il faut seulement sauver son âme qui seule est éternelle et nous faire accéder au monde supérieur, au monde suprasensible, comme dit Platon, ce qui, chez les chrétiens, deviendra le paradis. Eh bien, le dandysme, c'est exactement l'inverse. C'est réunir l'âme et le corps. Le corps n'est pas un tombeau pour l'âme, mais il en est le miroir, il en est le révélateur. Donc, c'est aller contre 2000 ans de culture, de tradition judéo-chrétienne occidentale. C'est pour ça que c'est un défi impossible, quasiment, à relever, et qu'il meurt de façon tragique. C'est fantastique ce que vous nous dites, parce que ça explique tout, si je puis dire, et d'une façon beaucoup plus fondamentale. On dit les dandys sont toujours opposés à la société, ce sont un peu des anarchistes, ce sont des marginaux. Des anarchistes, oui, c'est ça. Et pour cause, puisqu'ils s'opposent à un système de valeurs mis en place depuis plusieurs siècles, et même, on peut dire, depuis plusieurs millénaires. C'est une opposition à tout notre édifice mental, philosophique, esthétique et religieux. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, Wilde en parle très bien dans un petit livre que personne ne connaît, qui s'appelle « L'âme de l'homme sous le socialisme », qui est une petite utopie anarchiste, et qui a été publiée lorsqu'il était en prison. C'est pour ça qu'on le connaît peu. Wilde en parle très bien là-dedans. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Puisque Dieu est mort, comme disait Nietzsche, Nietzsche meurt en 1900, la même année qu'Oscar Wilde. Ça, c'est la même époque. Comme Nietzsche écrit dans « Ainsi parlait Zarathoustra », dans le prologue et dans le paragraphe 125 du « Gai Savoir », Dieu est mort. Si Dieu est mort, la religion meurt, l'Église meurt, mais aussi tout l'édifice moral. Et donc nous sommes par-delà bien et mal, c'est toujours la thématique de Nietzsche, son grand livre par-delà bien et mal. Mais s'il n'y a plus de Dieu, s'il n'y a plus de morale, s'il n'y a plus de valeur, quel sens va donc avoir notre vie? Quelle est la nouvelle transcendance, le nouvel absolu? Eh bien, c'est l'art, avec un grand A. C'est ce que Nietzsche appelle le philosophe artiste. C'est un philosophe qui a une sensibilité d'artiste et un artiste qui a des préoccupations de philosophe. C'est ce qu'il appelle le grand style. Et puisque l'art devient la nouvelle référence, alors le dandy va dire « Faisons de notre vie une œuvre d'art et de notre personne une œuvre d'art vivante. » Bref, le dandy, c'est un dieu profane. C'est un dieu sécularisé. Ce qui veut dire que l'art pour l'art est quand même l'art pour autre chose. Il y a bien une transcendance dans cette, volonté. Sauf que c'est une transcendance vécue sur Terre. C'est une transcendance hic et nunc, ici et maintenant. C'est pour ça que je parle de dieu profane. C'est d'ailleurs une phrase que, en tout cas une expression que Barbet de Revilly emploie à propos de Brummel. Et c'est un dieu profane, c'est dieu sur terre. Brummel, c'est... l'ancien ami du régent puis roi d'Angleterre, hein, qui était devenu une sorte d'archétype du dandy, l'arbitre des élégances, des deux côtés de la Manche. Arbiter elegantiarum, qui est d'ailleurs une expression que Wilde emploie dans le portrait de Dorian Gray. Alors ce qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est d'où vient justement le mot dandy. En fait, c'est un mot qui... le mot dandy... Faites les questions, quand elles sont bonnes, moi je les accepte. Le mot dandy... Il naît au XVIIIe siècle, en Écosse. Rien à voir avec l'Angleterre victorienne ou londonienne. Il naît en Écosse et il y a là, dans un village, un jeune type un peu simplet qu'on appelle Andrew. Il est un peu efféminé et il court derrière les filles. Andrew, ça devient Andy, le diminutif d'Andrew. Andy Warhol, c'est Andrew le vrai prénom. Donc Andy est le prénom diminutif de Andrew. Et Andrew, Andy, un peu efféminé, se balance. En anglais, ça se dit « to dandle ». Et donc, le mot dandy est la contraction de Andy et to dandle. Andrew is dandling. Andy se dandine en français. Et donc, c'est un mot valise qui est la contraction, le mot dandy, la contraction du prénom Andy, diminutif de Andrew, et du verbe to dandle. Nous sommes au XVIIIe siècle, en Écosse. Il y a une chanson là-dessus qui va naître, qui va populariser le terme de dandy. Ça va traverser les montagnes écossaises et arriver à Londres, à la cour du roi d'Angleterre, chez le prince de Galles, où est Lord Brummel, le favori du prince de Galles. Et donc nous sommes à cheval entre le 18e et le 19e, c'est l'époque de Brummel, c'est l'époque de Lord Byron. Ils sont amis d'ailleurs, ils fréquentent les clubs, les beaux clubs de Londres. Et donc Brummel et Byron vont reprendre le terme de dandy et ils vont le populariser en Angleterre. Quelques années après, arrive Wilde, qui pousse cette notion de dandy à son paroxysme, et il en devient le représentant le plus flamboyant. Mais comme il y a un aspect tragique chez le dandy, parce que justement, cet impossible défi à s'opposer à 2000 ans de culture judéo-chrétienne et platonicienne, il meurt de façon tragique, d'où le sous-titre de mon livre « Splendeur et misère d'un dandy ». Alors je vais me faire l'avocat du diable, c'est mon rôle préféré. Est-ce que plus que la pesanteur de traditions millénaires, ce n'est pas tout simplement l'aporie du système même du dandy qu'il conduit à une fin tragique? Est-ce que ce mode d'être, est-ce que cet objectif dans l'existence ont un avenir, si je puis dire? Alors je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais en tout cas vous avez employé un mot que j'adore, l'expression le mode d'être. C'est d'ailleurs le titre du premier chapitre d'un autre livre que j'ai consacré au dandysme qui s'appelle La création, le dandysme, la création de soi. Un mode d'être, le dandy, c'est pas être à la mode. Il faut renverser l'équation. C'est pas être à la mode. Ça, c'est l'aspect bling-bling superficiel et je dirais le moins intéressant. C'est au contraire un mode d'être. Et effectivement, tant qu'on est jeune, beau et riche, qu'on a la santé, ça va. Mais quand vous devenez plus pauvre, plus vieux et malade, il est difficile d'entretenir ce mode d'être, d'être éternellement séducteur, d'être éternellement à la recherche d'un absolu ou d'une transcendance fût-elle dans l'art, puisque je parlais de dieu profane. Donc forcément, le dandy, entendu comme cela, ne peut à la fin de sa vie qu'être malheureux. Et plutôt que vivre dans le malheur, il y a une espèce de suicide. Sartre parlait du dandy comme étant un club de suicidés. Un club de suicidés, c'est-à-dire que le dandysme est impossible à tenir comme posture à un certain moment de sa vie, parce qu'il y a les contingences matérielles, parce qu'il y a la société bourgeoise autour de vous, qui vous contraint à vivre dans une normalité qui est contraire à la liberté fondamentale que cherche le dandy. et Oscar Wilde nous fut révélé. Merci beaucoup, Daniel Salvatore Schiffer. Votre Oscar Wilde, Splendeur et misère d'un dandy, et maintenant ce sous-titre résonne très fort lorsqu'on le prononce, est publié aux éditions de La Martinière. Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Laurent sur l'origine des applaudissements. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laurent. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il aimerait savoir pourquoi nous avons pris l'habitude d'applaudir à la fin d'un spectacle. Alors la question, la réponse, j'allais dire, est en partie dans la question. Nous avons pris l'habitude, et ça, tout le monde n'est pas d'accord, figurez-vous. Ça n'est même plus un débat entre historiens ou préhistoriens, c'est presque un débat entre anthropologues. Est-ce qu'on applaudit naturellement? Est-ce que c'est le fruit d'une sorte d'instinct naturel? Ou est-ce que l'applaudissement est purement culturel? C'est très difficile à dire, mais en tout cas, c'est une pratique quasiment universelle. Ça, il faut le dire, quelle que soit la civilisation, quelle que soit l'époque, etc. Alors vous avez toutes sortes d'applaudissements extrêmement timides, pour pas dire, on ne les entend presque pas, hein, pour pas dire silencieux au Japon, du fait d'une pudeur exacerbée, bien entendu, complètement extraordinaire en Italie ou en Espagne. Vous savez qu'en Italie ou en Espagne, on va jusqu'à applaudir le cortège funèbre au moment des funérailles, on applaudit le défunt. C'est bon, ce sont des habitudes. Et puis il y a ces pays où on interrompt constamment les artistes, je pense à l'Angleterre, hein, par exemple, où on applaudit presque en permanence dans les spectacles, etc. Tout ça remonterait, en tout cas pour ce qui est de l'applaudissement occidental tel que nous le connaissons, à la Rome antique, une fois de plus. L'empereur avait décidé, pour mettre fin à toutes les acclamations et tous les cris, etc., qu'il pouvait y avoir au théâtre, que le public attendrait la fin de chaque acte et qu'il applaudirait seulement avec ses mains et non plus avec sa bouche. Et donc voilà l'origine de nos applaudissements tels qu'ils ont été formalisés. Et sous vos applaudissements, Marion Ruggieri. Bonjour Marion. Bonjour Franck. Aujourd'hui, nous recevons deux garçons dans le vent, un duo de légende. Alain Souchon et Laurent Voulzy seront avec nous pendant une heure. Dandy à leur façon. Merci beaucoup Marion et nous nous retrouvons demain, Céline. À demain Franck.